Bonjour, frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude sur le personnage d'Étienne qui est utilisé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour nous donner des preuves, encore une fois, de la résurrection du Seigneur Jésus. Et pour donner des preuves à Théophile, que ce qu'il a entendu, c'est digne de confiance. Il peut en être certain que c'est la vérité. Et donc, Luc martoche, si je peux dire ainsi, sur le même clou, espérant que Théophile va soit se convertir ou soit avoir une conviction plus grande dans ce qu'il a entendu en tant que jeune croyant. Prions ensemble. Notre Père du ciel, encore une fois, tu vas nous parler par la bouche de ton serviteur Étienne, par la bouche de ton serviteur Luc. Tu vas nous dire celui que tu veux glorifier de toute éternité, ton Fils bien-aimé, que l'homme a rejeté, que l'homme a traité comme un moins que rien. Mais toi, tu l'as élevé jusqu'à ta droite, sois fait de lui le Seigneur et le Maître de tous. Donc, conduis-nous par ton Esprit Saint, car nous voulons bien comprendre ce que tu veux nous transmettre, afin qu'on puisse, nous aussi, glorifier le Seigneur Jésus. Amen. Hier, on a vu qu'Étienne a été arrêté. Étienne, cet homme dont on a vu qu'il avait un bon témoignage. Étienne qui est un homme plein d'Esprit Saint, un homme qui était plein de sagesse, plein de grâce, plein de puissance. Et avant de dire à Théophile ou de faire à Théophile les paroles d'Étienne, il va démontrer qui est Étienne. Donc cet homme est un homme sensé, intelligent, sage, plein de grâce, conduit par l'Esprit Saint, plein de puissance parce qu'il faisait des miracles et des prodiges. Donc, on peut se fier à ce qu'il va dire. Et le chapitre 7, lui, va être un très long chapitre. Nous allons le couper en parties. Et l'auteur a un but. Et on va le voir à la fin du chapitre, il y a un but, c'est de démontrer à Israël qu'ils ont toujours, dans leur histoire, rejeté leur sauveur pluriel, et ils vont rejeter le sauveur, qui est Jésus-Christ aussi. Donc, c'est en leur habitude de rejeter les sauveurs que Dieu envoie, et ainsi ils démontrent leur rébellion envers Dieu. On va lire chapitre 7, verset 1. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi? » Étienne répondit, « Homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père d'Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays de Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point eu d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude. On la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, il a circoncis le huitième jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph

en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » En ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors, Dieu se détourna, il les livra au cœur de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans les prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dur enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit Moïse à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il resta jusqu'au jour de David. » Donc, le deuxième libérateur ou sauveur, c'était Moïse. Ce Moïse que Dieu avait sauvé des eaux, qu'il avait fait éduquer par les Égyptiens, il l'envoya, il le mit à cœur à Moïse d'aller sauver ses frères, et il est allé, il en a délivré un des Égyptiens, et il a frappé l'Égyptien, il a tué l'Égyptien, il a dit, mais il pensait qu'il comprendrait. Mais ils l'ont rejeté, au lieu de dire, « Hey, ça doit être Dieu qui t'envoie. » Mais il le rejette et menace de le livrer aux Égyptiens. 40 ans après, Dieu le renvoie à Moïse une autre fois. Et il parle à Moïse, et Moïse leur donne la loi. Mais ils rejettent Moïse, ils rejettent la loi, et se font des veaux d'or, des idoles. Donc, en rejetant Joseph, en rejetant Moïse, ils rejettent Dieu. C'est toujours de la même façon. Ils sont toujours en train de rejeter ceux que Dieu envoie pour les sauver. Mais encore une fois, même s'ils ont rejeté Moïse, c'est par Moïse qui les sauva de l'Égypte. Nous allons en voir un autre maintenant. Dieu trouva grâce, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes choses? Donc, David est le troisième qu'il rejette ici. David avait été choisi par Dieu dès sa jeunesse. Il avait été oint par Dieu. Ses frères l'ont rejeté. Il a été montré par Dieu quand il a tué Goliath. Et Saül a voulu le tuer. Il a été obligé de fuir pendant des années. Donc, mais David était celui que Dieu avait choisi, mais il ne voulait pas l'avoir. Mais pourtant, c'est bien, encore une fois, par David que Dieu va délivrer Israël et qu'il va leur donner, finalement, le pays de Canaan, comme ça aurait dû être fait dans sa totalité. Lisons à partir du verset 51. « Homme au Coured, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous êtes les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Donc, une dernière fois, il leur dit, vous êtes comme vos pères. Il dit, vous n'avez pas juste tué, voulu vous débarrasser de Joseph et de Moïse et de David. Mais il dit, lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté et fait mourir? Ces prophètes qui annonçaient la venue du juste, la venue du Messie, vous les avez tous rejetés. Si vous voulez avoir un bel exemple de ce voyage, lisez le livre de Michée. On voit un bel exemple de ce qui s'est passé. Mais on n'a pas besoin d'avoir lu beaucoup l'Ancien Testament pour voir que, à quel point il rejetait les prophètes. Et quand Jean-Baptiste est arrivé, le peuple a finalement rejeté ce dernier. Ils l'ont fait mourir. C'est Hérode qui l'a fait mourir. Mais Hérode était le chef du peuple d'Israël. Et finalement, ils font mourir Jésus. Il dit, vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Comme pour les autres, le juste, le prince, le sauveur, le Seigneur, le Messie, vous l'avez tué aussi. Et il dit, vous rejetez toujours au Saint-Esprit, vous êtes toujours rebelle au Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit parle par les apôtres. Le Saint-Esprit nous envoie, nous, vous parler. On vous a fait des miracles. Et j'ai fait un miracle de grand prodige. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous rebellez encore contre le Saint-Esprit. Vous vous opposez à lui encore. Donc, rébellion, par-dessus rébellion, ça a été un terme au verset 51. Homme au coured, c'était une expression très courante dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était un peuple au cou raide, qui voulait dire qu'il était rebelle, qu'il était désobéissant, s'objectait à Dieu. Maintenant, voyons voir comment ça va se terminer, cette longue histoire. Lisons ensemble à partir du verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Je crois que ces quelques versets, c'est le but du chapitre 6 et 7. Ils se mettent en colère à cause de ce que Étienne a dit. Ils sont pleins de rage et ils sont pleins de meurtre, encore une fois. Et ils l'emmènent pour le lapider. Mais avant qu'ils l'emmènent, Étienne, au verset 55, rempli du Saint-Esprit encore une fois. Remarquez bien tout le temps cette même expression qui revient. Il regarde vers le ciel, il a une vision. Que voit-il? Jésus, debout à la droite de Dieu. S'il est debout à la droite de Dieu, c'est parce qu'il a été ressuscité. Et il était accepté par Dieu. Il était l'envoyé de Dieu. Il est assis à sa droite, dont il règne avec Dieu. Donc, il a la puissance de Dieu, il a la droite de Dieu. Il vit avec Dieu. Ce n'était pas un imposteur, ce n'était pas un révolutionnaire. À ces paroles, il le traîne hors de la ville et le lapide. Ils le font mourir. Mais Étienne plaide encore une fois auprès de Dieu, Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils font. Mais oui, Dieu est prêt à leur pardonner aussi, encore une fois. Donc, ils ont rejeté Joseph, ils ont rejeté Moïse, ils ont rejeté David, ils ont rejeté les prophètes, ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté Étienne. Tous ces hommes et ces femmes qui annonçaient la venue du juste, en les rejetant, ils rejetaient Dieu. En rejetant Jésus, ils rejettent Dieu. En rejetant Étienne, ils rejettent Jésus qui l'a envoyé et ils rejettent Dieu aussi. Donc, tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, les envoyés de Dieu, rejettent Jésus et rejettent Dieu. Donc, Étienne est rendu un grand témoignage à la personne de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Notre Père du ciel, merci. Merci qu'à travers Étienne, tu nous montres que ton Fils est à la droite de toi et qu'il est avec toi dans les cieux et qu'il règne avec toi. Tu l'as ressuscité dans tes morts et tu l'as assis à ta droite, comme ça fait plusieurs fois que tu nous dis déjà dans les Actes des Apôtres. Pour montrer ainsi que ce que les hommes avaient rejeté, toi, tu as fait de lui le Seigneur et le Maître et le Christ et le Sauveur. Merci mon Dieu, que malgré la méchanceté que nous manifestons envers toi, tu n'as pas rejeté la race humaine, tu es prêt à sauver tous ceux qui se repentent et qui croient au Seigneur Jésus. Amen. Prions ensemble. Notre Père du ciel, encore une fois, tu vas nous parler par la bouche de ton serviteur Étienne, par la bouche de ton serviteur Luc. Tu vas nous dire celui que tu veux glorifier de toute éternité, ton Fils bien-aimé, que l'homme a rejeté, que l'homme a traité comme un moins que rien. Mais toi, tu l'as élevé jusqu'à ta droite, soit fait de lui le Seigneur et le Maître de tous. Donc, conduis-nous par ton Esprit Saint, car nous voulons bien comprendre ce que tu veux nous transmettre, afin qu'on puisse, nous aussi, glorifier le Seigneur Jésus. Amen.